Vous êtes à l'antenne de Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au micro, et je suis en compagnie de Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi Valérie. Alors ce soir, Jean-René, vous n'allez pas nous parler d'astrophysique, mais de la science qui surprend, qui éclaire et dérange. Et ça, c'est le titre de votre livre qui vient de paraître aux presses de l'Université Laval. Je dirais que le titre lui-même surprend. En fait. Et vous allez sans doute nous éclairer pour nous dire en quoi la science surprend, éclaire et dérange. Mais avant, j'aimerais commencer en fait par une particularité de votre livre, son introduction sous forme de lettres à Coëlette. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu souligner en écrivant Coëlette? Et peut-être qu'il faut rappeler en fait qui est Coëlette. Coëlette, un personnage peut-être hypothétique, mais qu'on croit être l'auteur d'un livre qui est maintenant inclus dans la Bible, qui s'appelle l'Ecclésiaste. Et c'est un livre étonnant, d'une actualité extraordinaire, qui ne parle pas vraiment de religion. Et c'est un livre qui est un peu un essai moral, qui se rapproche un peu d'une description du monde tel qu'il le voyait à cette époque. On croit qu'il a écrit ce livre vers 250 avant Jésus-Christ, 300 avant Jésus-Christ, qu'il habitait ce qui est aujourd'hui la Palestine. Donc, il décrit un peu l'état du monde, d'ailleurs avec un esprit pas mal scientifique pour comprendre certains phénomènes comme le cycle météorologique, les levées, les couchers de soleil, le déroulement du temps. Et il pose aussi un regard un peu philosophique et cynique sur l'humain. Mm-hmm. Et c'est extraordinaire. Moi, ça fait à peu près 20 fois que je lis l'Ecclésiaste et tout. C'est un livre, d'ailleurs, je ne suis pas du tout religieux, hein, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est un peu quelqu'un qui est dans la lignée de nos existentialistes modernes, ou de philosophes comme dans l'Antiquité, le Sénèque des Romains, ou Michel Montaigne au 16e siècle, ou encore même Albert Camus. Mais peut-être que je dirais que notre ami Coëlette est plus, un peu plus scientifique dans son regard sur le monde. Et je me suis amusé un peu à faire des rappels de notions scientifiques ou d'une approche scientifique qui existait il y a 2250 ans et qui est représentée dans ce texte absolument formidable. Et je vous encourage à aller le voir, vous allez avoir des surprises. Donc une invitation finalement à travers cette lettre à regarder la science avec une certaine sagesse, l'impact peut-être de la science ou comment elle se faisait. Peut-être, comment on peut avoir un regard scientifique sur les choses de la vie? Et en même temps, je voulais montrer que, déborder un peu, quand on parle de science, on pense tout de suite immédiatement aux sciences naturelles, aux sciences exactes. Mais il ne faut jamais oublier la présence d'autres grands domaines scientifiques, que sont les sciences humaines, en particulier les sciences sociales, les sciences qui touchent à toutes sortes de choses. Vous démarrez une chronique sur la sexologie, par exemple, donc on déborde beaucoup. Et ce que je voulais montrer, c'est que un domaine qui était scientifique, c'est l'étude des textes anciens. Oui. Et là, d'ailleurs, j'ai pris la traduction qui est faite par Jean Bottero, un extraordinaire assyriologue français qui a vécu au 20e siècle. Et j'ai trouvé cette façon-là pour démarrer mon livre. Un peu intrigante. Oui, c'est intriguant. C'est intriguant et étonnant. Puis ensuite, votre livre est scindé en deux parties. Alors, la première, c'est sur la science pour comprendre le monde. Et la deuxième, c'est sur les usages de la science. Et c'est dans la première partie, finalement, qu'on découvre la science qui éclaire, qui surprend et dérange, mais aussi la science qui bouge. Parce que, c'est intéressant parce que la science qu'on apprend à l'école est souvent une science qui apparaît comme figée. C'est comme ça, et puis c'est pas autrement. C'est comme si ça avait toujours été comme ça. Et alors que c'est au contraire un mouvement perpétuel. Exact. Mon approche, en fait, c'est que pas beaucoup de scientifiques parlent ou écrivent sur la science. Les philosophes écrivent sur la science, les sociologues écrivent sur la science, même les journalistes écrivent sur la science, mais rarement les scientifiques écrivent sur la science. Je dis, pourquoi pas moi? Ça fait 60 ans que je baigne dans la science, je l'ai étudié, je l'ai enseigné, j'ai fait de la recherche en astrophysique, j'ai dirigé un grand observatoire astronomique, j'ai été dans la gestion de grands laboratoires scientifiques aux États-Unis et en Europe. Et je me suis dit, bon, j'ai peut-être quelque chose à dire d'intéressant. J'ai dit, de toute façon, je vais l'écrire et on va voir. Mm-hmm. Puis c'est pas votre premier livre que vous écrivez sur la science. Il y avait déjà Les héritiers de Prométhée. Les héritiers de Prométhée, où je parlais plutôt, et ça, c'était résultat d'un cours intéressant que j'avais donné à l'Université Laval aux futurs enseignants en sciences. Donc, je leur ai parlé de la nature de la science. Mm. Ici, c'est plutôt comment on fait la saucisse. comment la science fonctionne. Et en particulier, le premier aspect, la science, ça bouge. Justement, je voulais contrer cette idée qu'on a que la science, ce sont des corpus encyclopédiques bien établis. On regarde dans le dictionnaire, ça, c'est la science. Ça, c'est un peu le vestige quand la science a passé. La science, elle est toujours aux frontières de l'inconnu. Elle est toujours un peu dans l'incertitude. Elle est toujours en train d'établir des nouvelles choses. Donc, la science est extrêmement dynamique. La science bouge. Et souvent, les idées originales d'un concept proviennent d'il y a longtemps, et d'où mon introduction avec Coëlette, c'en est un exemple. Il y a des concepts qui viennent, le concept de que la matière est indivisible à son niveau infime, les atomistes grecs, c'est 2500 ans ce concept-là. Et cette idée de quelque chose qui est inhérent à la nature, on le voit aussi en biologie, avec la cellule, avec l'ADN, c'est toute cette quelque chose qu'il y a dans la nature microscopique qui détermine les mécanismes de la nature. Donc, la science bouge, c'est ça, je veux montrer aussi que les choses se font d'une façon qui n'est pas évidente au début. Mm-hmm. Les gens pataugent. Il n'y a personne qui se lève le matin, je m'en vais au bureau, dans mon laboratoire, et aujourd'hui, je fais la découverte A, B, C. Mm-hmm. Telle molécule, je la découvre, je ne sais jamais comme ça. Mm-hmm. D'ailleurs, souvent, la personne ne cherche pas la dite molécule, et plutôt, elle travaille sur autre chose. Pour la gère, on pose toujours des questions à la science. C'est ce qu'on fait. On pose continuellement des questions, on trouve des réponses et on essaie de valider les réponses. Mm. C'est ça, la méthode. Puis ça avance à tâtons, là. C'est petit. C'est ça. Ça avance à tâtons et ça recule souvent. Oui. Donc, aussi, et aussi, je veux contrer le fait, ce discours qu'on entend beaucoup, surtout quand on change de gouvernement. Aujourd'hui, on va sortir la science des laboratoires. On va envoyer quelqu'un qui va aller ses tablettes, qui va trouver des trucs, qui va prendre ça pour faire une mise en marché, puis ça va marcher. Mm. C'est jamais comme ça que ça se passe. Mm. C'est beaucoup plus complexe. Et la science bouge, j'en donne de certains exemples. Des exemples à travers de l'histoire des sciences, comment certains pans de la science ont avancé. J'en ai plusieurs exemples, je vais en mentionner un brièvement que j'aime beaucoup, c'est la tectonique des plaques, la dérive des continents, maintenant qui est un concept qui nous paraît comme acquis, mais il ne date que des 1960. C'est surprenant. Qu'il ait été établi, mais le concept a été proposé au 17e siècle par un géographe hollandais qui a remarqué cette imbrication des continents, surtout de chaque côté de l'Atlantique Nord et de l'Atlantique Sud. Mais tout ça, ça a pataugé, il n'y avait pas d'argument, puis aussi personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait faire bouger des trucs comme des continents à la surface de la Terre. Puis ça a pris quand même du temps. Ça a pris beaucoup de temps et beaucoup de problèmes, et même au début du 20e siècle, il y avait des oppositions, des conflits. Et c'est l'autre chose, c'est que les scientifiques souvent sont pas d'accord pendant qu'ils ont leurs propres débats à l'interne, qui sont très sains d'ailleurs. Ouais. Puis on comprend que les avancées scientifiques éclairent, on comprend mieux, ça aide à comprendre le monde, mais pourquoi ces avancées seraient-elles surprenantes? Pourquoi la science surprend? Elle surprend quand, justement, quelqu'un cherche quelque chose, se pose des questions sur quelque chose, comme Henri Becquerel, à la fin du 19e siècle, il essaie de comprendre la phosphorescence, la fluorescence. On croyait que vous voyez ça parfois, de temps en temps, un matériau est éclairé par la lumière du soleil, et vous le mettez à la noirceur et il continue à irradier une luminosité. Donc, il essaie de comprendre ce mécanisme-là, puis il a travaillé avec des sels d'uranium. Puis il avait trouvé que, finalement, par accident, que les sels avaient impressionner l'émulsion photographique en étant plongé dans la noirceur pendant des semaines. Donc, il a découvert ce truc bizarre qui était la radioactivité. Donc, il a trouvé la radioactivité qui est une propriété fondamentale de toute la matière. Tout est radioactif dans l'univers. Mais vous êtes radioactif. On est tous radioactifs. Et de façon naturelle. Et on se fait des peurs avec certaines conditions, avec certaines raisons parfois, mais en même temps, il ne faut pas en faire une phobie. Dans la même suite d'idées, Les chercheurs ayant compris la radioactivité, ils ont découvert un peu par hasard d'autres éléments instables, radioéléments, mm-hmm. dont le nom de Marie Curie est profondément relié à ce travail. Et aussi la découverte de quelque chose d'absolument fondamental qui a eu des répercussions jusqu'à aujourd'hui, c'est la découverte de la fission des atomes lourds, mm-hmm. en particulier de l'uranium, en bombardant ces atomes avec des neutrons. Mm-hmm. Et c'est totalement inattendu. Okay. Tout d'un coup, personne, ce matin-là, les Strassmann, Otto Frisch, puis Lise Meitner, sont pas, comme je le disais encore, se lever le matin, on va aller découvrir la fission mm-hmm. atomique aujourd'hui. Tout d'un coup, ça les... C'est arrivé comme ça, à brûle pour comme point, ça, ouais. Beaucoup ouais. de choses. Donc ouais. ça, c'est les aspects de science qui surprennent. La découverte de l'expansion de l'univers, totalement inattendue. Et c'était découvert mathématiquement en premier par Georges Lemaître, mais aussi observationnellement. Ouais. Tout s'est fait en quelques années. Donc, ouais. la science qui surprend, pour moi, c'est quelque chose qui, au lieu, comme dans le premier cas de la tectonique des plaques, la dérive des continents, qui a pris des centaines d'années à nous aboutir, par à nous convaincre, dans ces cas-là, tout s'est fait en quelques mm-hmm. années, 10 ans au maximum. Donc, et pourquoi sera-t-elle dérangeante, la science? Oh, la science dérange parce qu'elle nous fait peur ou... elle dérange nos idées, nos concepts. Par exemple, j'aime beaucoup l'exemple que je décris en détail de paléoanthropologie, l'origine de l'homme. Donc, on a toujours rêvé, ça vient même des textes anciens de Mésopotamie qui sont mm-hmm. répétés dans la Bible, qu'on serait des descendants disons, si on oublie là, le modèle où on serait créé de toutes pièces, là, on serait des descendants d'une chaîne continue d'une lignée. Ouais. Et on va être capable de retrouver toute la lignée d'ancêtres comme on peut faire la généalogie. Mm. Alors, quand on fait ça avec des recherches qui se font depuis près d'un siècle et surtout dans les dernières dizaines d'années avec plein d'autres techniques, on se rend compte que c'est un fouillis ouais. de proto-humains ouais. qui sont dans le décor, qui nous ont précédés de quelques millions d'années. Et par hasard, il y a une espèce de zouin-zouin avec une autre zouin-zouine pour quelle raison qu'on ne comprend pas, on aboutit à ce qui est l'Homo sapiens, ce qui est nous maintenant. Mais on a des cousins qui sont rendus très proches, le néandertalien, dont on parle beaucoup. D'ailleurs, dont les gens maintenant sont très fiers d'avoir quelques gènes. Enfin, on a tous quelques gènes, ouais. sauf les Africains. Mm. Et l'autre, maintenant, le nouveau, c'est le Denisovanien, qui est un autre de nos cousins. Mm-hmm. Donc, ça a dérangé. Ça dérange parce que les gens disent, on va avoir quelqu'un de bien défini, on va avoir cette remontée. C'est comme si vous essayez de faire votre généalogie. Et tout d'un coup, vous passez vos parents, plus personne. Oui, c'est n'importe qui. Ouais. Vous avez des gens, d'ailleurs, génétiquement totalement différents de vous. Oui, puis en plus, ça nous écarte d'un espèce de projet de l'évolution qui aurait mené vers l'humain. L'autre qui dérange, je dirais, c'est la... juste parler rapidement, parce que c'est un sujet en soi, d'ailleurs, pour lequel, Valérie, vous êtes très intéressée, c'est les organismes génétiquement mm-hmm. modifiés. Donc, ça mm-hmm. fait maintenant des décennies maintenant qu'on a aucune évidence que ces organismes présentent des dangers. Il faut faire attention, comme toujours. Mais il y a une peur bleue maintenant. Et on fait même la mise en marché pour vous dire que vous allez acheter quelque chose qui n'a rien à voir avec la manipulation génétique, on va vous dire sans OGM. Et pour moi, une des choses que je donne en sous-exemple, c'est la xénotransplantation. Oui, c'est vrai. La xénotransplantation, faut expliquer ce que c'est, là, entre autres, c'est de prendre un organe d'un animal différent et de l'emmener chez l'humain, ou vice-versa, pour faire une greffe et tout. Donc, vous me voyez venir, parce qu'il y a des besoins énormes dans certaines greffes, entre autres le rein, où il y a une demande colossale à travers la planète. Et avant qu'on ait une machine pour refaire les fonctions du rein. Donc, qui organe notre ami le cochon. Mon grand ami de cochon, dont je parle tellement souvent dans mon livre, parce qu'il est un exemple extraordinaire. Pour toutes sortes de raisons, il se prête très bien à des xénotransplantations. Mais ça dérange. Oui, ça dérange. Mais vous n'avez pas besoin d'être un musulman ou quelqu'un qui est un pratiquant de la religion juive ou un véganiste. C'est tout d'un coup, si vous êtes présenté devant le choix, votre petite fille a besoin d'un rein et tout. Vous allez peut-être vous poser des questions que peut-être temporairement d'avoir le rein d'un petit cochon, c'est pas une mauvaise idée. Ça dérange. Surtout qu'il faut mettre ça en parallèle avec le trafic d'organes. Exactement. Donc qu'est-ce ça, qui pourrait dérange... contrer, voilà. ça pourrait contrer. Donc, qu'est-ce qui le dérange le plus d'organes. Exactement. Ouais, exactement. Ouais. Donc, et quand on rentre dans la deuxième partie de votre livre sur les usages de la science, donc une deuxième partie où, que vous ouvrez d'ailleurs en soulignant la différence entre croire et savoir. Alors, pourquoi cette distinction avant de présenter les usages de la science? Ouais. Le savoir, d'abord, il y a deux choses au niveau. D'ailleurs, je cite Socrate, qui est toujours un autre. J'aime beaucoup mes Grecs, penseurs extraordinaires. Et Socrate distingue même connaître et savoir. Ouais. Connaître, c'est l'activité qui nous amène à construire des savoirs. Connaître. Et donc, il y a une distinction et son dialogue avec son disciple, il est absolument merveilleux. Et maintenant, donc, le savoir, c'est quelque chose qui est relativement établi et pour lequel, idéalement, on voudrait avoir une expérience personnelle. Donc, vous savez, vous connaissez, vous savez que la Terre est ronde, mais en avez-vous fait l'expérience personnelle? Pas facile. Vous savez, donc... Si vous n'avez pas fait l'expérience personnelle, et là, on peut étendre ça à beaucoup d'autres choses, vous allez être obligé de croire. Okay? Croyances. Ouais. Donc, il y a différents niveaux de croyance. C'est là-dessus. Je rentre pas, je suis pas un expert là-dedans, là, de ces questions presque psychologiques et tout, épistémologiques, mais c'est subtil. Donc, on est obligé d'avoir une croyance stratégique. Et je pense que, Valérie, c'est vous qui m'avez proposé... Il faut savoir croire. Il faut connaître comment croire et tout pour justement être capable de capter les informations et avoir suffisamment d'expérience pour pouvoir les analyser et tout. Donc, moi, croire, mais pas croire n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Donc, pour revenir à notre exemple de la Terre est ronde, moi, personnellement, je l'ai fait plusieurs fois, l'expérience de la Terre ronde, en regardant les étoiles, en voyage en avion, des très longs voyages, en faisant le tour de la Terre, partant dans un sens puis revenir dans l'autre sens. Et j'étais sûr d'aller toujours dans le même sens, en tout cas. même là, je devais croire les pilotes. Donc, il y a cette dimension-là que on ne peut pas éviter un niveau de croyance stratégique. Moi, quand je travaille, je m'en vais observer au télescope. Je crois qu'il y a des étoiles que je ne vois pas parce que je peux vérifier que j'en vois pas. Puis d'un coup, je regarde au télescope, je pose une heure, deux heures, trois heures, quatre heures. D'un coup, les étoiles et les galaxies ressortent. Donc, j'ai une croyance au départ, mais qui se... Je suis toujours dans une mesure de pouvoir vérifier et en établir, à partir de ces vérifications, un savoir. Donc, beaucoup de nos savoirs sont finalement qu'on fait confiance à d'autres. Mais il y a des limites à faire confiance. On le sait très bien. À un moment donné, on arrête de croire au Père Noël. Oui, c'est ça. Donc, il y en a qui n'arrêtent jamais. Donc, effectivement, à un moment donné, on ne peut pas être expert de tout. Non. Donc, il faut faire confiance à certains autres experts, mais en se basant, en vérifiant quand même certains, les bases de ces experts-là. Exactement. De ces experts. Donc, et c'est ça, j'essaie de contrer un peu, parce que ce serait un autre, parce qu'il y a beaucoup de livres écrits là-dessus. C'est ça, un peu. Il faut faire appel à des experts, il faut s'y fier. Mais il y a un courant à l'heure actuelle, un peu social, de foutre tous les experts dehors. De dire, moi j'ai raison, moi je trouve l'information, je sais que ça c'est vrai, on n'a plus besoin de consulter un tel ou une telle. Ce serait comme rentrer dans l'avion puis dire, OK, pas besoin de pilote aujourd'hui, pas besoin de copilote, on va. Qui parmi l'équipage ou qui parmi les passagers veut prendre le contrôle? Voilà, le monde sans expert. Puis ensuite, donc, quand vous poursuivez dans ce chapitre-là, cette partie sur les usages de la science, vous arrivez avec les techno-utopistes. Et je me demandais aussi, est-ce que de savoir faire la différence entre croire et savoir, est-ce que ça nous permet de se prémunir contre les techno-utopistes? Oh, énormément, parce qu'on peut se faire avoir. Il s'agit de savoir, mais on peut se faire avoir tellement, et ça arrive constamment. Commencer par dire, en fait, c'est une quoi les techno-utopies? C'est une promesse de quelque chose qui va transformer totalement la société, le monde, votre santé, etc. On vous promet une machine qui va tout faire, ou on promet quelque chose, une technologie qui va tout transformer. Et l'exemple que je donne dans mon livre, avant d'aborder le deuxième exemple, c'est celui du terrassement nucléaire. J'ai découvert ça en lisant votre livre, ça m'a fasciné, oui. Oui, parce que ça dominait. Moi, j'ai vécu ça comme jeune adolescent. C'était ces grands programmes qu'il y avait, surtout en Union soviétique et aux États-Unis, d'utiliser les bombes thermonucléaires pour creuser des canaux, pour faire des trous, pour éliminer des rapides sur les fleuves. Donc, toutes sortes de choses. Et ça allait se faire vite. Pas cher. Entre autres, le grand projet, c'était de creuser un canal dans l'isthme de Panama et probablement au Nicaragua, où le canal aurait été creusé, je me souviens plus avec combien de bombes thermonucléaires alignées. Ça aurait probablement marché, mais il y aurait eu des... Ça aurait été beaucoup plus compliqué que pensait. Et l'idée, c'était de faire un canal pour mettre les deux mers au même niveau pour ne pas avoir d'écluses. Ah ouais. Et c'était sérieux, là? C'était vraiment... C'était sérieux. Il y a eu beaucoup. Je montre les exemples. On a fait plusieurs expériences. On était capable de le faire. On était capable de creuser et faire des chaînes, finalement, en mettant... L'autre, c'était pour libérer des grandes... On parle de... comment qu'on appelle ça? Fracture du sol pour sortir... pour sortir le pétrole et le gaz. Donc, on parlait de mettre des bombes thermonucléaires et de faire libérer le pétrole et tout. Et ça devait transformer complètement la façon dont on allait effectuer des grands travaux sur la planète. Heureusement, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait pour toutes sortes de raisons. D'ailleurs, ça s'est révélé beaucoup trop cher. Et c'était complexe. Il y avait d'autre part, même si on utilisait des bombes thermonucléaires qui émettent moins de radioactivité, il y avait de la radioactivité et ça violait les accords internationaux de l'époque, qu'il ne fallait pas qu'il y ait, quand on faisait des essais nucléaires et on en faisait, il ne fallait pas que la radioactivité retombait sur un territoire voisin. Ah oui, mais ça, c'est difficile. C'était difficile et tout. Donc, tout ça est un peu mort dans l'œuf, mais le programme continue. Il est toujours là sur les papiers. Le programme Plowshare. Donc, il y a toujours quelqu'un qui pourrait le réanimer, entre guillemets. Mais ce qui nous amène à l'autre... techno-utopie qui est actuelle. Pour moi, je ne suis pas allé innocemment en présenter le terrassement nucléaire en mettant l'intelligence artificielle aujourd'hui. Bon, l'intelligence artificielle, êtes-vous capable de me dire ce que c'est, vous? Ça a l'air d'être un grand sac. Tout le monde parle d'intelligence artificielle. Il n'y a personne qui en parle. J'ai même entendu à Radio-Canada, le scientifique de l'année, pour son travail sur l'intelligence artificielle, il était incapable de décrire ce que c'était l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, telle que c'est que tous les gens qui font de la programmation depuis à peu près 50 ans ils en font de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un système d'algorithmes qui est mise ensemble pour faire des opérations soit dans des systèmes d'ordinateurs qui peuvent être aussi implantés dans des machines pour leur faire des séquences complètement comme... Il n'y a aucune intelligence. Il n'y a aucun artifice. Finalement, c'est ce que j'appelle plutôt, moi, de la compétence assistée. Parce qu'on arrive à ça quand on commence à expliquez-moi l'intelligence, c'est quoi? Oui, c'est ça. Il faudrait commencer par l'expliquer ce que c'est que l'intelligence. C'est la compétence, la compréhension et un autre machin que j'ai appelé la métamémoire. Quelque chose. Et quand vous regardez ça, les ordinateurs et tous les robots que vous imaginez, ils ont juste la compétence. Une bactérie est plus intelligente, entre guillemets, qu'un super ordinateur. Oui, parce qu'elle va savoir quoi manger autour d'elle que l'ordinateur. Donc, en même temps, c'est que c'est extraordinaire ce que ça nous donne comme outil. Je veux pas négliger ça. Mais arrêtons de se faire des peurs et de se faire vider nos poches pour aller mettre de l'argent dans des gens qui vous racontent des histoires. Et ensuite, donc il y a certaines comme ça mises en garde contre les termes un peu exagérés, bon, l'intelligence artificielle, mais il y a quand même la science qui aide malgré tout. Puis là, vite fait, dans les deux, trois minutes, donc la science qui aide, notamment les petits cochons. Ah, les petits cochons, oui. Oh là là, c'est ça. En fait, j'ai donné quelques exemples et gens m'avaient dit, Jean-René, il faut en faire beaucoup plus. J'ai donné simplement deux exemples. Un qui a pris beaucoup de temps à se matérialiser, le laser, parce que l'idée est venue tout d'abord d'Einstein, le concept d'interaction de la lumière avec la matière. Donc, il a fait ça en 1917, mais le premier laser a été fait en 1960 et on n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire avec ce machin-là, sauf en laboratoire. Maintenant, le laser est partout. Donc, un usage de la science. Oui, puis il y a encore eu des prix Nobel cette année sur des utilisations. Ben oui, c'est ça. Là, à peu près, je pense que c'est le 11e prix Nobel pour des travaux reliés au laser. Donc, l'autre exemple fulgurant à l'heure actuelle, c'est tout ce qui est retombé, entre autres, des manipulations génétiques, mais avec cette nouvelle technique qui est CRISPR. Donc, on n'a pas le temps et peut-être que vous devriez inviter des grands spécialistes à l'Université Laval, comme Sylvain Moineau, pour en parler ici, parce que c'est absolument phénoménal. Et en particulier, à l'heure actuelle, c'est une façon, là, on n'amène pas un gène d'un autre organisme. On va littéralement éditer, modifier vos propres gènes pour enlever un défaut. Par exemple, c'est comme vous corrigez du texte. Plus compliqué que ça, là, je fais une analogie toute simple. Donc, vous corrigez du texte. Et puis on va corriger la coquille dans le texte. Littéralement, vous pouvez enlever la maladie. L'outil est extrêmement efficace et il va sûrement les prix Nobel, là, ça s'en vient rapidement pour reconnaître ce genre de travail-là. Et il y a des applications absolument extraordinaires en thérapie et les Chinois sont très à l'avant-garde pour ça. Ouais. Et je vais juste donner un exemple, on a fait des Chinois justement, là, j'étais en contact avec les chercheurs qui ont fait ça, qui ont publié un grand article, ils ont créé un nouveau cochon qui est qui a 15% ou 25% moins de gras. Donc, c'est bon. Et en particulier, qui est capable d'avoir une meilleure thermorégulation. Un cochon, c'est frileux. Ah oui? Oui, un cochon a froid. Il n'est pas poilu, hein? Il n'est pas poilu. Donc, notre pauvre ami cochon, donc il a froid facilement. Donc, on a créé un cochon qui est capable de réajuster sa température plus comme un mammifère normal. Donc, en plus d'être moins gras, et on l'a littéralement fabriqué, on en a fait reproduire plusieurs. J'en ai déjà une image que les chercheurs chinois qui ont fait des petits cochons crispérisés. Et je pense qu'ils ont goûté la viande. Qu'ils m'ont envoyé ça bien gentiment. Ben, en tout cas, on va découvrir ça en lisant votre livre. Et je conclurai que pour ma part en disant que le titre sur la, donc je répète, sur la science qui surprend, éclaire et dérange est un titre qui surprend. Le livre est que le livre assurément nous éclaire sur la science sans nous déranger. Ah, merci, c'est gentil. J'espère déranger un tout petit peu dans un bon sens du mot. Oui, d'accord. Donc, un livre qui est paru aux presses de l'Université Laval, un livre de Jean-René Roy qui est astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Alors, merci Jean-René. C'est un plaisir. Comme toujours, au prochain livre. Oui, ben j'espère avant aussi, à moins qu'il y en ait déjà un qui doit sortir dans 2 mois, mais j'espère qu'on reverra avant. Et il est maintenant 18h, alors restez avec nous parce qu'il va être question d'un sujet complètement inédit à Futur Simple, la sexologie.